chez les hommes qui pèsent. C'est pas toujours facile, mais je suis bonne, c'est tout. Si, par exemple, je reste assez longtemps sans pousser, ça change rien. Je débarque, boum, ça y est, je les allume. Je deviens n'importe qui à la drague. Il suffit que je me pointe et je sais tout de suite quel est leur fantasme et comment me mettre dedans. C'est le service que j'en ai. Je fais une performance, une bonne performance. La plupart du temps, je suis une équation, parce qu'une demi-heure, pour moi, c'est égal à $300. Enfin, ça, c'est que le tarif de base. Ça peut chiffrer 500 suivant ce qu'on négocie ensuite. Mais en tout cas, c'est une performance.